Difunto. Salón. 4 Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On fait le survol des nouveautés CD de la semaine. Et on soit Émilie Gauthier pour parler plein air dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Tout ça et encore plus à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Et salut à vous. Hein? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. J'étais excité par mon velu. Toi, tu t'es toi-même excité par ton velu? Tu me connais, je me trouve sexy et intelligent et tout ça, là. Ben, moi aussi, tu sauras. Ouais. Hey, aujourd'hui à l'émission, comme à tous les mardis, on va faire un petit survol des nouveautés CD de la semaine. Il y a quelques trucs intéressants. Ça, je vous parle de ça dans quelques minutes. Ça devrait pas être trop long. Et la aussi, chronique ou dans pas trop long? Ça devrait être dans pas trop long. Ah. Et ça ne devrait pas être trop long non plus aujourd'hui. Wow! Alors, on va aussi recevoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. On ne sait pas encore aujourd'hui. Ah oui, enfin, elle va nous parler de trucs, de l'endroit, là, de sortie. Là. Hein, pour vrai? Non, je ne l'ai pas le sujet que moi. Je l'ai ici. Il est pas en tout cas. Tantôt! On s'en parle tantôt. C'est le fun, hein? Pour l'instant, on va commencer ça en musique tout de suite avec un extrait du palmarès francophone. On va écouter la pièce Presse-Tron du groupe Polype à Assemblage Requis. Ah, c'est fou, 89 FM. Les espaces en voie de disparition aujourd'hui. Ah, c'est de ça qu'on parle? Les espaces en voie de disparition. Sur la question et prendre le monde pour des gens. The Job avec la pièce Sub Problem, c'est un extrait du palmarès anglophone de C'est Fou cette semaine. Oui, on aime ça, on aime beaucoup ça. Ouais. Vous savez que ce mois-ci, Kiwan, je sais pas toi, je pense que tu le savais, tu me diras si j'ai raison ou si j'ai tort. C'est le mois de la prévention de la fraude? Oui, Colin, tu me voles les mots de la bouche, toi. Tu me les voles directement dedans ma gorge. Ben, je l'ai pas oublié, puis c'est important justement qu'on l'oublie pas, qu'on se le rappelle fréquemment pendant tout le mois. Ouais. Tu sais, la journée de la femme, c'est derrière, ça c'est passé déjà, on n'en parle plus. C'est juste une journée, les autres ont un mois. Ouais, c'est ça. Donc, tu veux nous parler de prévention de la fraude? Ben, exactement, j'ai envie de parler de... Il y a encore des gens de nos jours qui utilisent les chèques pour payer leur loyer, par exemple, des trucs comme ça, des comptes. Ça arrive qu'on utilise encore les chèques. Il y a des choses que les gens ne savent pas qu'il faut faire pour se protéger contre la fraude avec les chèques. On va en parler. Un individu commet une fraude par chèque s'il fait une fausse déclaration écrite en vue d'en soutirer un bénéfice ou de léser une personne. Par exemple, effectuer une transaction avec un chèque sans provision ou avec un chèque certifié contrefait, induire une personne à accepter un chèque volé sur lequel une signature a été imitée, ou encore encaisser un chèque sur lequel le montant a été modifié. Quelques conseils, donc, vérifiez l'identité de l'individu avec lequel vous transigez. Par exemple, une carte d'identité avec photo, un chèque personnalisé avec le nom de la personne, son adresse. Assurez-vous que le chèque ne porte aucune marque de modification. Comparez la signature du chèque avec celle d'une autre pièce d'identité. Portez attention à la description physique de l'individu sur le permis de conduire. Téléphonez à la résidence et au travail du client pour vérifier s'il s'y trouve. Ça commence à être assez profond comme façon de faire. Soyez prudent avec les chèques certifiés, vérifiez leur authenticité auprès de votre succursale et en cas de perte ou de vol, faites immédiatement annuler vos chèques auprès de votre institution financière. D'ailleurs, si vous êtes victime d'une fraude, on conseille d'aviser immédiatement votre institution financière et de contacter la police ou de vous présenter dans un poste de quartier. C'est selon le service de police de la ville de Montréal. Wow! Des conseils, beaucoup de conseils. Je vais mettre le lien évidemment sur assemblagerequis.com. Vous êtes protégés. T'sais, ils prennent encore les chèques à l'épicerie, hein. Ça n'a pas rapport de dire ça de même. Là, mais c'est vrai, mais ça ralentit tellement l'affaire. Je veux dire, à un moment donné, un chèque, là, il faut sortir le chéquier, signature, là, checker si. Ah non, trop compliqué. Ouais. Mais bon. Des chèques. Il y en a qui faxent encore du monde. Il y en a qui ont encore un beeper. Une pagette. Une pagette. Parfait, donc c'était pour le mot de la prévention de la fraude. Donc on va continuer à vous en parler parce qu'on trouve ça très important de se prémunir contre la fraude. Parlant de ça, je vous inviterai à venir à l'Assemblée générale de C'est Fou, qui a lieu le 17 mars, ici même à l'université. On va en reparler. Donc. C'est tout à fait à propos. On en reparle tantôt. Pour l'instant, on va aller écouter une pièce du palmarès anglo encore. Est-ce que c'est bien cela, Mathieu? Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux entendre la pièce Alligator? Ben, faisons ça. On va écouter la pièce Alligator de Tegan and Sarah tout de suite à Assemblage Requis. Relentless, yes, it's true. the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Todd, and Tommy. They're on the front the army. The only boobs I'll see tonight will be made up from origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor boho ratio 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night till 5. 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better arms, more broads, less rods. I can't do battles. Get out of with the counter frogs. Too many men, too many boys, too many misters. Not enough sisters. Too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. Too many dicks on the dance floor, c'est un extrait du palmarès anglophone, c'est le groupe Flight of the Conchords qu'on vient d'entendre, un des groupes préférés de Mathieu Plante. Pour l'instant, je vous parle un peu d'un lancement d'album qui va avoir lieu demain, c'est une compilation d'artistes de la région aussi, d'artistes de Trois-Rivières, c'est une compilation qui est faite ici, donc avec des groupes d'ici. Et le lancement est prévu pour demain et demain mercredi et jeudi, donc le lancement se fait sur deux soirs. Donc, il y avait 4 groupes de prévus par soir pour le lancement de cette compilation qui s'appelle 8 Up ou 8 Up. Et demain soir, le lancement a lieu à l'Embuscade, ici à Trois-Rivières. Demain soir, on devait avoir Apocalypse Night Club, Valsalva, Hard Day's Night et Jesus Bench 400 livres. Donc, si vous avez vu une publicité à quelque part en ville, il n'y en a pas beaucoup par contre, là, premièrement. Faut dire ça, il n'y a pas eu énormément de publicité pour le lancement de cet album-là. Mais si jamais vous l'avez vu et vous avez vu la programmation de demain, bien j'ai un petit scoop, là, j'ai un petit cue pour vous. Jesus Bench ne sera pas là. Donc, pour ceux qui avaient prévu aller voir Jesus Bench 400 livres demain pour le lancement de l'album 8 Up, ils sont bel et bien sur la compilation, mais ils ne seront pas en prestation demain pour le lancement de la compilation. Donc nous, on va quand même écouter une pièce de Jesus Bench tout de suite. Et aussi, je peux même vous dire la programmation pour le 11 mars, pour jeudi. Les groupes qui vont être là en prestation à l'Embuscade, ça va être Audionaut, Around Joshua, Shake It Corrida et Verlaine. Donc ça, ce sera jeudi le 11 mars. Donc nous, tout de suite, on écoute une pièce de Valsalva et une autre de Jesus Bench 400 livres. On commence ça avec la pièce La Masse Décisive de Valsalva. Vous êtes toujours à Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Pendant ces heures qui ont miné nos humeurs, musclé le cœur, s'essayer à ce que ta l'heure ici soit notre ailleurs. On fera enfin ce qu'on veut vraiment dans le fond. On se rappellera de l'époque du veston. Si présent, enfoui nos désirs profonds. Creuser en nous, c'est une révolution. L'humanité va se rencontrer. Thank you. s'en dégage. La synchronicité concrétise les présages. Y'a jamais eu autant de monde sur la planète. Y'a jamais eu autant d'amour par le même fait. Ça crée la masse décisive d'individus épiques éparpillés partout. Sans la toile d'éthique, tant de personnes ont fait quorum pour modéliser la prochaine société. Tant de personnes, les autres dorment. Allez rayonner, ils vont s'éveiller, ils vont s'éveiller, ils vont s'éveiller, ils vont s'éveiller, ils vont s'éveiller, ils vont s'éveiller, ils vont s'éveiller. Just to write something for us, Captain Stones. This is the sound that makes them go out. This is the sound that makes them go out. This is the sound that makes them go out. This is the sound that makes them go out. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. Vous venez d'entendre la publicité de Yuzu Sushi, qu'on adore et qui sont très gentils avec nous et on aime être gentils avec eux. Demain, à l'émission Assemblage Rocky, la centième d'Assemblage Rocky. Oui, c'est vrai. Demain, c'est la centième émission d'Assemblage Rocky. Je te l'apprends. Hein, on en reparlera tantôt, mais là, tu allais nous dire quelque chose d'important. Oui, j'allais dire que demain, on va vous donner des sushis et là, on va faire quelque chose de gros avec ça, les sushis demain. Donc, soyez-y dans Assemblage Rocky. Une émission à pas manquer, ça, demain. Mm-hmm. Pour l'instant, Mathieu, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va commencer un peu à se parler des nouveautés CD de la semaine qu'on fait toujours à tous les mardis. Attention, on a préparé un nouveau bumper. On l'avait vraiment préparé. Ouais. On a mis beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, donc s'il vous plaît, appréciez-le. aujourd'hui, quelques nouveautés quand même assez attendues, mais moi, je suis allé chercher des trucs un petit peu plus alternatifs, des choses. En fait, j'ai même fait des découvertes cette semaine en regardant les nouveautés de la semaine. Mais disons, parmi ce qui était le plus attendu, il y a entre autres un nouvel album de Gorillaz. Oui, hein, oui. Dont on a reçu le simple il y a quelques semaines déjà ici, le simple pour la pièce Stylo. Là, l'album complet sort aujourd'hui. L'album s'appelle Plastic Beach. Ça faisait plusieurs années que Gorillaz nous avait rien donné. Donc, nouvel album, nous avait rien donné. Ça fait un peu genre pfff, il nous donne rien. Non, non, mais ça fait longtemps qu'il n'y avait pas sorti d'album. Donc, nouveau Gorillaz aujourd'hui, aussi JJ, leur album JJ Number 3, dont Maxime nous parlait hier. On en avait écouté même un extrait hier, donc on, je ne vous en représenterai pas un autre aujourd'hui, mais ça, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Jason Collett, qu'on joue depuis un petit bout de temps même, parce que non, c'est pas rentré sur les palmes, je crois. Non, non. Mais on en joue quand même depuis un petit bout de temps. Jason Collett, qui fait partie du super groupe du collectif Broken Social Scene. Mm-hmm. Donc, il sort son album solo aujourd'hui. Il est sur la couverture du Exclaim en ce moment. Ah oui? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est un album qui était quand même assez attendu, ce qui sort sous Arts and Craft. Donc, un autre album disponible aujourd'hui. Un album live pour Dumas qui sort, qui est disponible aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en format CD ou seulement numérique, mais en tout cas, vous pouvez acheter aujourd'hui un album live de Dumas sur iTunes. C'est un album de seulement 4 ou 5 pièces. Ça s'appelle Live in Montreal. J'ai pas trop compris à qui ça s'adressait. Est-ce que c'était au, c'était quoi au juste cet album-là de Dumas, mais bref. T'allais dire quelque chose? Non, j'allais juste dire que c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'ils envoient pas de la station de radio, leur CD, eux autres. La compagnie de disques, ils font que des MP3 pour les stations de radio. On apprécie tellement pas. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, il y en a sorti tellement d'albums. J'ai de la misère à les compter. Là, je pense qu'il est rendu comme à 8 là, dans la dernière année du mois. C'est plus l'album du mois, c'est l'album du mois. C'est pas, c'est quasiment ça. Puis c'est pas toujours des pièces originales comme là. Celle-là, c'est vraiment un album live à Montréal. Donc, voilà pour les quelques sorties intéressantes. Maintenant, parmi les pièces, les groupes que je veux vous présenter, Broken Bells, t'en as parlé un peu hier parce qu'ils vont être à, je ne sais plus trop quel... Ils font deux talk shows américains cette c'est semaine. C'est ça, ils vont faire deux émissions de fin de soirée. Donc, ils sortent leur premier album, c'est le premier album du groupe, je crois, n'est-ce pas? Parce que c'est le projet... C'est un projet qui rassemble Danger Mouse et James Mercer du groupe The Shins. C'est un duo donc qui vient de la Californie, qui font un son quand même assez accessible. C'est un genre de folk pop, parfois assez rock, mais c'est très très accessible. C'est vraiment très très doux à l'oreille. Vous n'aurez absolument pas de difficulté à absorber cette musique-là, mais en même temps, je trouve ça bon. J'écoutais ça, je me disais, ouais, c'est quand même un peu commercial. Je sais pas si je vais en parler, je sais pas si je vais en faire écouter. Mais ouais, c'est quand même bon. Puis là, sur leur page MySpace, il y a quelques heures encore, on avait toutes les pièces de l'album qui étaient là. Et là, ils ont retiré, il en reste seulement deux. Donc, je pourrais pas vous faire écouter ma pièce préférée de cet album-là parmi toutes celles que j'avais écoutées, mais on va quand même écouter un extrait de Broken Bells. On écoute la pièce Vaporize de Broken Bells à Assemblage Requis. Vaporize de Broken Bells. Je vous ai dit tantôt qu'ils venaient de la Californie. Ils viennent plutôt de l'État de New York, Mathieu. Et, c'est pareil. Leur album est éponyme et disponible à partir d'aujourd'hui chez tous vos bons disquaires. Tantôt, on faisait référence au talk show américain. On disait que Broken Bells était très, très hors demande en ce moment. Ils vont être à David Letterman ce soir. Ça, c'est à 23h30 sur CBS. Et puis, ils vont être jeudi à l'émission de Jimmy Fallon. Ça, c'est sur NBC à 00h30. Parfait. Prochain groupe dont je vais vous parler, en fait, l'album est annoncé, la sortie de l'album est annoncée depuis quand même un bon bout de temps. Il y avait même un extrait disponible pour cet album-là. C'est un nouvel album de Best Nerd Lakes, groupe de Montréal, donc qu'on aime beaucoup. Et on l'a même déjà fait jouer ici, la pièce Albatros. Oui. C'est le premier extrait de l'album qui était disponible depuis un petit bout de temps. Donc l'album s'appelle Are the Roaring Night, comme Best Nerd Lakes, Are the Roaring Night. Ouais. Et c'est ça, donc l'album sort aujourd'hui. On va écouter, nous, la pièce Albatros. Et il commence présentement une tournée au Canada pour l'instant. Ça va les amener à Montréal, ça, le 12 mars prochain. Donc c'est bientôt, c'est comme Canada, très très bientôt, le 12 mars. Le 12, c'est vendredi. Donc vendredi, ils vont être au Wheel Motor à Montréal. Et ensuite de ça, s'en vont en Angleterre, faire plusieurs dates en Angleterre et ensuite un petit tour de l'Europe. Ils font pas mal le tour, je te dirais. Ouais, si Maxime était là, il me demanderait s'ils vont être à Berlin et je lui dirais oui, effectivement, le 11 avril, ils vont être au Magnet à Berlin. Donc voilà pour. Ils reviennent. Il y a vraiment comme une centaine de dates d'annoncer sur leur site. Là, ils reviennent après ça pour une tournée américaine, canadienne. Waouh! Bravo pour The Best Nerd Lakes. Donc on écoute tout de suite la pièce Albatros à Assemblage Requis. Ça, c'est le groupe de Best Nerd de Rome. Exactement. On a toujours un après-carrière en Radio-Canada. Ah oui, il se fait remplacer par Céline Galipeau puis il part sur une galipote. things got rid of me. The Bessnard Lakes avec la pièce Albatros. L'album s'appelle Hard Roaring Night et il est disponible aujourd'hui. C'est donc bien bon si tu nous fais jouer aujourd'hui, Kiwan. T'as aimé ça? Oui, j'adore ça. Bon, mais tant mieux. On va en jouer ces affaires-là souvent. Le prochain groupe dont je vais vous parler, c'est mon préféré, moi, dans ce qui sortait aujourd'hui. Et c'est une découverte, en fait. C'est un groupe que je ne connaissais pas. Et puis, le groupe s'appelle Titus Andronicus. Voilà, donc c'est un nom, ça sonne grec, un peu comme ça. C'est ouais. Effectivement le nom de... C'est un nom d'un personnage, d'une tragédie grecque qui a été repris par William Shakespeare. Il y a un roman, une pièce plutôt complète qui s'appelle comme ça, de Shakespeare. Et maintenant, un groupe, donc le groupe Titus Andronicus. C'est un groupe qui vient du New Jersey aux États-Unis. Pas très grec comme place. Hein, non, pas tellement. Et j'ai écouté l'album au complet aujourd'hui. C'est vraiment un très bon album. C'est un son que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu vas aimer ça, toi, Mathieu, par contre. C'est un peu shoegaze, un peu garage, un peu sale. Mais en même temps, il y a quelque chose de prog un peu là-dedans. C'est des pièces qui sont vraiment très longues. Il y a plusieurs pièces de 7-8 minutes avec des progressions puis des montées dans leurs pièces. Mais en même temps, il y a d'autres pièces aussi un petit peu plus courtes, un peu plus catchy. Et tu vas voir, là, ça me fait penser un peu à Jape and Droids. OK. Donc, c'est ça. On va écouter une pièce de cet album-là. L'album s'appelle The Monitor. On va écouter la pièce A Perfect Union. Donc, je te laisse écouter, Mathieu. Ça résume notre relation, ça. Une union parfaite. C'est ça, wow. Tout à fait. Donc, on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. C'est comme le fromage grec et les olives, là. Qui est le fromage entre nous deux et la lui? Ah ben ça, je voudrais pas t'insulter non plus. Là. OK. Il y en a pas eu de moins insultant que l'autre, finalement. Ouais. From whence shall we expect the approach of danger? Shall some transatlantic giant step the earth and crush us at a blow? Never. All the armies of Europe and Asia could not by force take a drink from the Ohio River. Set a track on the Blue Ridge, the trial of a thousand years. If destruction be our lot, we ourselves must be its author and finisher. As a nation, free men, we will live forever or die by suicide. Shallow and dry. as truth, as uncompromising as justice. On this subject, I do not wish to think or speak or write with moderation. I am in earnest. I will not equivocate. I will not excuse, and I will not retreat a single inch. And I will be heard. Titus Andronicus avec la pièce avec la pièce A More Perfect Union. Et avant de faire jouer la pièce, hein, quand j'en parlais, j'avais dit, Mathieu, je sais pas si tu vas aimer ça. Toi, donc, c'est ton préféré des trois. Je voudrais savoir ton opinion maintenant. Je sais pas. C'est pas mon préféré des trois, en tout cas. Ouais, je savais. Les deux autres, je les ai beaucoup aimés. Ça, il y a des groupes que ça me dérange moins quand le chanteur chante. On n'aimera pas de nom, mais ça, des fois, ça peut aller si c'est vraiment catchy. Ça, première écoute. Évidemment, première écoute, mon jugement est rarement favorable. Même les choses que j'aime beaucoup, beaucoup aujourd'hui, à la première écoute, c'était comme... J'avais oublié de le dire avant, là, mais ça faisait partie des points que j'aime beaucoup dans cette musique-là, c'est que le chanteur fausse vraiment. Ah, c'est une qualité pour toi, ça? Ben non, mais pas toujours. Mais je trouve que dans ce type de musique-là, avec un son un peu sale, un peu shoegaze, un peu gras, je trouve que ça fit totalement que le chanteur fausse et chante aussi mal. Mais moi, je trouve que ça fit bien. Je trouve que c'est parfait. J'adore ça. Penses-tu que c'est comme un Gilles Cancer, le groupe Gilles Cancer, qui disent ouvertement « c'est fait pour que les gens... » soit comme agressé par ça, tu sais. Non, je pense pas que cette musique-là veuille être agressante, là. Je pense pas, non. Moi, en fait, je sais que tu comprendras pas, là, mais... Comme si j'étais si fermé d'esprit que ça. Non, mais moi j'écoutais cet album-là ce matin, je trouvais ça très relaxant. Okay. J'ai couché sur mon divan, là, j'écoutais l'album au complet, c'est toutes des pièces comme de 8 minutes environ, là. Je trouvais ça vraiment planant, hyper relaxant, mais je sais que toi, ça t'agresserait. Tu finirais probablement par tuer quelqu'un si t'écoutais l'album au complet. Fait que là, je suis un violent intolérant. Mais non, mais attends, tu disais tantôt que tu trouvais ça insupportable. Là. Ben, ce que j'ai écouté à la première écoute, je le rappelle. Mais c'est correct aussi, t'as le droit. C'est normal. Je sais que c'est un style particulier. Bon, t'en joueras, c'est tout. Donc, le groupe s'appelle Titus Andronicus et l'album s'appelle The Monitor. Et oui, c'est sûr que ça va rejouer, Mathieu. Et si vous voulez éviter leur MySpace, l'adresse est... l'adresse n'est pas... bon. Bref. Cela étant dit, on a aussi reçu le nouvel album de Trico Machine aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pas disponible en magasin aujourd'hui. Ça va être en magasin seulement mardi prochain, le 16 mars. Mais nous, on l'a déjà ici. Donc, on va écouter un extrait tout de suite tandis qu'on est dans les nouveautés. On va écouter un extrait un peu au hasard hein, parce qu'on l'a pas écouté, l'album. Donc, l'album s'appelle La prochaine étape, disponible le 16 mars. Et on va écouter la pièce Défier les rites de Trico Machine. C'est clair que vous allez l'entendre à tous les jours pendant les prochains mois. Ça aussi, ça se pourrait, ouais. Tricot Machine avec la pièce Défier les rites. C'est un extrait de leur prochain album, leur nouvel album en fait qui sort le 16 mars prochain. C'est assez fidèle à ce qu'on connaît de Tricot Machine. Ça commence bien en tout cas pour Tricot Machine, comme je les appelle. Donc j'imagine que d'ici à la sortie de l'album, mardi prochain, on devrait avoir fait jouer toutes les pièces ici à l'émission. Et ailleurs, assez fou sûrement aussi. Tout le monde va se garrofouiller dessus. Donc voilà, pour Tricot Machine, on entendra d'autres pièces à un moment donné. Mais pour l'instant, on termine la deuxième heure, la première heure. Oui, c'est la fin de la première heure de l'émission. Restez là parce que dans la deuxième heure, il va y avoir entre autres la visite d'Émilie Gauthier qui va venir aujourd'hui nous parler de milieux naturels en voie de disparition qui n'existeront plus bientôt. Donc, ça va être ça pour la chronique d'Émilie, ou ça, ou à peu près. Quelque chose, là, elle va le dire mieux que nous. Là. C'est elle, la chroniqueuse plein air. Elle s'en vient. Ah, elle arrive, elle va nous juger là, sur ce qu'on a dit. On va se faire taper ses doigts. Restez là. Restez là. Deuxième heure d'Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées, toujours avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h ici au 89 FM. Oui, dans quelques minutes, Émilie va être là, donc pour nous parler. Elle nous envoie la main même. Hey, ta voiture est là-bas, au fond de notre grand, large studio spacieux. Ah! C'est tout petit ici. Ouais, c'est ça, on la voit en tout petit au loin. Donc, ce ne sera pas des suggestions d'activités cette semaine, mais on va plutôt parler donc de milieux en voie de disparition. Dans les prochaines années ou décennies. C'est comme un genre de reportage de fond, là. C'est comme une journaliste. Préparé par notre journaliste, Émilie Gauthier. C'est ça, notre envoyé spécial. Donc, c'est dans quelques minutes, mais pour tout de suite, on va aller écouter une pièce de Orange Orange, c'est Je suis le héros, qui est dans la pub de Tout.tv. Ah, dis-moi pas. Ça? Ouais. Pas vu ça. Hey, Émilie, t'as-tu vu la pub de Tout.tv? Et tu te demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. Je suis le Orange Orange avec Je suis le héros sur le palmarès francophone de C'est fou, les palmarès qui sont diffusés ici sur nos ondes les mercredis et jeudis entre 13h et 15h avec moi. Et maintenant, c'est le moment où on accueille Émilie Gauthier. Salut Émilie! Allô! Comme si le studio était si grand que ça. Aujourd'hui, petite chronique spéciale qui sort des sentiers battus en jeu de mots sur le plein air ici. Ouais, ben les sentiers sont pas vraiment bien battus. Non, mais je veux dire, à quantité de neige qu'il y a présentement, t'es capable de sortir des sentiers tout seul. Là. T'aurais voulu que je fasse quoi comme phrase? Là? Qui sort des sentiers... plus enneigé. Ouais, que la crotte des chiens de... commence à sentir. Sentier odorant, peut-être. C'est ça. Ouais. Ouais, ben non. C'est ça. Alors... Donc, de quoi on parle finalement? Oui. Aujourd'hui! Le caca! Non, peut-être pas. Ben, c'est ça, j'ai appelé plein d'endroits. Tout est fermé ou tout est sur le point de fermer comme la semaine prochaine parce que justement, on n'a pas des belles conditions. D'ailleurs, je voulais vous dire, l'île Saint-Quentin, ils ont fermé. Les installations ont tout simplement fondu, patinoire, quoi que ce soit. Ils m'ont dit L'île au complet, je pense, a fondu. L'île a fondu. Il n'y en a plus, non. Et ils m'ont dit, par exemple, que le site demeure accessible. Les portes sont... Les barrières sont pas fermées, donc vous pouvez y aller. T'as juste pas à payer. Vous payez pas, c'est juste que attendez-vous pas à avoir des belles conditions, c'est de la slot. Mais pour quelqu'un qui veut aller faire comme de la marche ou quelque chose, puis bien équipé, ça peut être... Quelqu'un qui aime ça sauter dans les flaques d'eau. Oui! C'est le fun aussi, ça. Mais la plage est pas ouverte encore, je pense. Ça s'en vient. D'après moi, la semaine prochaine, ça devrait être pas pire. C'est ça. S'il va avec ton cornet de Derek Queen, là, puis go. Oui, en plus, t'as l'ouvert la fin de semaine. Ben, je sais. C'est Colin. J'ai pensé à toi, Mathieu. Oui, merci. T'es fine. Mais par exemple, côté ski alpin, faites-vous pas d'inquiétude parce que justement, c'est le ski de printemps qui commence. Le ski de printemps? Oui. D'accord. C'est un ski que tu fais en t-shirt, en shirt dehors, à peu près. OK. Mais c'est quand même c'est quand même populaire, mais je dis pas, quelqu'un qui en a jamais fait, c'est peut-être pas les conditions pour commencer, là, parce que des fois, t'arrives en bas, puis t'es dans le gazon. C'est le ski de printemps qui commence. C'est pour ça que ça s'appelle plus du ski alpin. Okay. Ouais, les surfaces sont pas super belles. C'est souvent slotcheux un peu, mais... C'est slotch ou, tu sais, comme de la roche, de la glace qui est comme concassée. C'est pas... C'est comme la glace à l'épicerie, là, en dessous des... oui, c'est ça. Du brocoli, là. Mm-hmm. Ça ressemble un peu à ça. Mais c'est le fun, par exemple, là, faire du ski avec juste un petit coton ouetté, là. C'est vraiment le fun. Mais c'est ça, j'ai trouvé dans la revue Ski Press plusieurs monts qui voulaient fermer, comme le Mont Sutton en Montérégie qui ont dit qu'elle allait fermer fin avril, Mont Saint-Anne près de Québec qui ont dit qu'ils veulent fermer autour du 25 avril. Ça a sûrement changé depuis, non? Je sais pas, c'est une revue qui est sortie la semaine passée. Fait. Ah, ouais. D'après moi, ils savaient que la météo était pas excellente cette année. Là. Tremblant, Val-Saint-Côme, Massif, ils veulent fermer début avril. Il y a beaucoup de compétitions de ski qui se font quand même plus tard dans l'année, comme à Tremblant, il y a le Telluspin le 26 mars, donc c'est dans deux semaines. D'après moi, il ne restera plus grand-chose, mais c'est à cette date-là parce qu'ils veulent certaines conditions. Là. Mmh. Donc, moi, je vous dirais que si vous avez envie de faire une activité à l'extérieur, que ce soit du ski, que ce soit aller faire de la raquette, appelez avant de vous rendre la veille, comme ça, vous êtes capable de vous retourner de bord si... les installations sont pas adéquates. Mmh. Moi, j'avais déjà entendu dire que dans les endroits où il y a vraiment beaucoup de neige, comme entre autres au Massif, là, il tombe tout le temps beaucoup plus de neige qu'ailleurs. Puis aussi, si on est dans le coin des Monts-Valin, dans le Saguenay, tout ça, il y a tellement de neige dans ce coin-là que à la fin de la saison, ils ferment les stations, pas parce qu'il n'y a plus de neige, puis parce que la surface n'est pas praticable, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui y va, parce que dans le fond, ils pourraient en faire jusqu'au mois de juin. Là. Ah, ouais. C'est juste qu'au mois de mai, c'est ça. Dans la revue, j'ai pas pris le temps de le noter, mais il y avait aussi écrit les records de fermeture. Puis il y en a que c'était mi-juillet, je pense, quelque chose comme ça. J'étais comme, waouh, je me vois skier en costume de bain ou je sais pas, là. Il me semble que ça doit être spécial. Mm-hmm. Ça, maintenant aussi, t'as le goût de faire des activités d'été. Rendu au mois de juin, le ski, tu sais, il faut vraiment que tu sois un mordu. Tu vas faire du ski à Saint-Sauveur, puis après ça, t'enlèves tes skis, puis tu vas dans la glissade d'eau. Ouais, c'est vrai, c'est un bon combiné. Ça serait pas bien, hein? Ça pourrait être un forfait, ça, sur le tableau, là. T'achètes un ou l'autre ou ensemble. Ouais. Ça serait pas pire, ça. Bon, mais bon, la chronique aujourd'hui, c'était pas axé sur ça. Là. C'était juste que je voulais vous dire que découragez-vous pas, il y a toujours moyen, il faut juste trouver où. Voilà. Et voilà. C'est plus un. C'est pas un sujet qui me touche, mais c'est un sujet quand même qui me fait de quoi, là. Ça te touche pas, mais ça te fait de quoi, ça me fait de quoi dans mon dedans, là. T'sais, c'est pas quelque chose qui va. Je suis pas ici pour vous parler de réchauffement de la planète, puis. puis arrêtez de jeter vos trucs à terre. C'est pas une cause pour laquelle tu milites, mais ça te fait un petit quelque chose quand même. Ça me fait de quoi? Parce qu'après avoir lu tout l'article, je trouvais ça quand même intéressant. C'est des environnements naturels qui vont disparaître à cause de la fonte des glaces, de l'érosion, de la déforestation, de la sécheresse. Fait que c'est vraiment comme des choses qui peuvent nous toucher. C'est des espaces en voie de disparition. Mm-hmm. Je vais commencer par trois régions du Québec. Premièrement, ça fait... C'est tiré d'un article que j'ai trouvé dans la revue Espace. La revue Espace, c'est une revue qui est gratuite, qui est distribuée dans plusieurs magasins de plein air. Mais on l'a aussi à l'université. Il y en a qui est distribué au CAPS. Puis il y en a aussi un petit rack proche de la coop à l'UQTR. OK. C'est très, très beau, en tout cas. Très bien fait. C'est une super belle revue. Il y a plein d'articles intéressants. Ça se peut que la semaine prochaine, je parle de quelque chose aussi tiré de cette revue-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça se lit très bien. Pas trop... Ben, il y a quand même un peu de publicité, mais on s'entend que c'est une revue gratuite. Mm-hmm. Donc, un tabloïd, le format tabloïd. C'est très large, très grand. Les photos sont belles, sont claires. C'est cool. J'aime ça. Oui. OK, fait que trois régions du Québec. Le rocher percé en Gaspésie. On estime que ce rocher-là pourrait être disparu en 2400. Bon, on est en 2010, 2400, c'est un petit bout. Mais quand même, c'est pas si pire. Là, le rocher, on entend qu'il perd environ 300 tonnes de roche par année. C'est quand même beaucoup. Dites-vous que, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, on pouvait approcher le rocher, puis on pouvait aller marcher dans le trou comme tel. Puis là, on ne peut plus y aller parce que c'est vraiment trop dangereux. Je sais que ma mère, plus jeune, est allée. On s'entend que ma mère, elle n'a pas 75 ans. Là, tu sais, fait que... Jeune et fringante. Voilà. Fait que... Je complimente sa mère. Bonjour, maman. Têteux. Vraiment. En plus, elle doit écouter présentement. Donc, ah, oups. Bonjour, maman. Bonjour. Fait que c'est ça. Fait que le rocher percé, 2400, ça se peut qu'il soit complètement érosé. Je sais pas si ça se dit. Là, mais si se défait comme ça, ça veut dire qu'à la place, ça va être quoi, un gros tas de cailloux? Mm-hmm. Parce qu'à force de se faire, les cailloux devraient rester autour. Ça va plutôt être une île ou quelque chose, mais ça sera plus un rocher percé. Ça va se faire progressivement. Ça va être de plus en plus d'ici à 2400. Ça va dépérir, là. Oui, c'est ça. Ouais. 300 tonnes de roche par année, ça va vite. Ça. Mm-hmm. Après ça, parlant de ski, justement, le ski dans les cantons de l'Est, ça se peut que ça disparaisse bientôt. Selon une étude qui a été menée en 2006, Montréal et les cantons de l'Est sont les deux régions qui seront bientôt les plus durement touchées par le réchauffement climatique au Québec. C'est ceux qui sont les plus touchés depuis 1970, d'ailleurs. Un mont comme Sutton pourrait qui connaissait des saisons de 99 à 107 jours jusqu'en 1990. D'ici 2040, c'est quand même très près, c'est dans 30 ans, on prévoit avoir de 67 à 90 jours, ce qui est déjà beaucoup moins. Puis de 2040 à 2070, on prévoit qu'il va avoir de 36 à 68 jours skiables. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Puis Sutton est quand même aussi assez loin, là, assez bien ancré dans les Appalaches, puis un petit peu plus comme au sud, dans les altitudes. Mais Bromont, là, qui est plus proche de Montréal, il n'y a déjà plus beaucoup de journées de ski là, à Bromont. Il n'y a pas étonnamment de neige là-bas. C'est quand même une grosse station, mais déjà présentement, je sais même pas si. Ben c'est sûr que c'est encore ouvert, là, mais les, dehors de la pelouse. Ça doit pas toutes être les pistes qui sont ouvertes. Ouais, celles qui ont ça. Des canons à neige, mais les autres, ça doit plus être ouvert, c'est ça. Fait que. Il n'y a pas vraiment de date fixe. Le rocher percé, c'est 2400. Là, pour le ski, on n'a pas de date fixe comme telle, mais les journées vont diminuer de moins en moins. Donc, si vous voulez, vous achetez un équipement de ski, c'est comme cette année, là, parce qu'à un moment donné, ça ne vaudra plus à peine. Ensuite de ça, il reste les îles de la Madeleine. L'archipel non plus, elle n'a pas de date de disparition estimée, mais l'érosion avance quand même à bonne vitesse. Les îles s'érodent à cause de la marée, des vagues qui arrachent petit à petit le littoral, là, des parties des îles. Bientôt même, autour de 2030, les îles pourraient commencer à se séparer parce qu'elles sont quand même collées. On pourrait commencer vraiment à avoir des îles distinctes. Puis, il y a une distance de 15 mètres qui a été calculée en recul. 15 mètres, c'est parce que c'est de l'île, il y a du monde qui habite là-dessus. Donc, beaucoup des trucs touristiques, c'est placé sur le bord. Donc, d'ici 2030, il pourrait y avoir des bâtisses qui se sont écroulées ou même en voie dispersion. Il y a 23 secteurs qui sont menacés de disparaître ou vraiment de s'effondrer dans ces îles-là. Donc, 2030, c'est parce que c'est bientôt. Donc, c'est pas le temps pour s'acheter. C'est pas le temps pour s'acheter une maison tout de suite aux îles de la Madeleine. Pas sur le bord. C'est dans le milieu des îles, peut-être, là, mais tant qu'à investir, j'irais peut-être ailleurs, mettons. Fait que ça, c'était pour les lieux au Québec. Sinon, on se transporte un peu partout ailleurs dans le monde. C'est vraiment un échantillon qui était tiré dans la revue. Moi, je trouvais que c'était des échantillons qui étaient frappants. Donc, je suis pas allée en chercher d'autres, mais il y a beaucoup d'autres cas qui sont en danger présentement. Il y a la forêt amazonienne en Amérique du Sud. À cause de la déforestation massive, on détruit entre 20 000 et 25 000 km² de forêt par année, ce qui est quand même... très beaucoup, 25 000 kilomètres. Des calculs, essaye ça fait pas. Beaucoup. Ah, moi, les calculs. C'est ça. Il y a beaucoup de sécheresse aussi, justement, à cause qu'on coupe beaucoup les arbres. Ça pourrait venir à bout de la grosse forêt verte qui est, dans le fond, le poumon de la planète. Ça pourrait disparaître autour de 2050. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup proche. Proche et près, ça fait des beaux mots ensemble. À cause des températures extrêmes. Donc, si je prends à peu près la moyenne d'âge des universitaires, c'est vers 65 ans, on devrait avoir de la misère à respirer. C'est ça. Dans votre vie, là. C'est ça. Fait que ça se peut que la forêt amazonienne n'existe plus, genre, quand vous allez avoir comme 73 ans. Hmm. Que je trouve ça triste. Tout à fait. Ça a l'air loin, là, la forêt amazonienne, c'est en Amérique du Sud. Là, on se dit, ah ouais, mais c'est à l'autre bout du monde. Là, mais c'est sûr que ça va toucher toute la planète. Quand c'est même. Ça, c'est vraiment considéré comme le poumon de la planète parce que c'est une des plus grosses forêts vertes sur la Terre. Donc, c'est quand même grave. Là. C'est pas les îles de la Madeleine, c'est triste. Là. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est la façon de penser de bien des gens. C'est comme, ah, soit c'est loin, ou soit, ah, ce sera pas dans ma vie, ça va être mes petits-enfants. Pas grave. Ouais. Justement, c'est pour ça que je disais comme en 2400 là, pour le rocher percé. Là, ouais. Nous, on s'en rendra pas compte, mais il y en a qui vont s'en rendre compte. Puis c'est triste. Et voilà. Voilà. C'est pas parce que, en tout cas. C'est ça. OK, je continue. Là. Oui, continue, excuse-moi. Fâché. Ouais. Le Kilimanjaro en Tanzanie, on le perdra pas complètement parce que c'est un mont, c'est de la roche, mais d'ici 2020-2030, les neiges du mont pourraient avoir complètement disparu. Mmh. À cause du réchauffement climatique. Puis, il y a à peu près 20 000 randonneurs qui font l'ascension par année. Tu avais d'avoir un McDo, je pense, en haut du Kilimanjaro. Je pense que là. Oui, là, c'est ça. Veux pas, ça laisse des déchets. Il y a le réchauffement climatique. Entre 2000 et 2007, les glaciers ont perdu le quart de leur superficie. Donc, c'est environ 50 cm par année. D'ici 2020-2030, c'est possible que les glaces existe vraiment plus, que ça soit juste un mont, mais il y a quand même beaucoup, une bonne épaisseur de glace là-dessus. Là. C'est ça qui fait surtout la renommée du mont. Oui, puis en plus, c'est que même en temps normal, quand il n'y a pas le réchauffement de la planète, il y a toujours une certaine partie qui fond puis qui regèle, là, dépendamment du climat ou de je sais pas quoi. Mais en tout cas, le glacier au sommet du Kilimanjaro, c'est une source d'eau importante là, pour les gens qui habitent en bas, pour l'eau assez cool. Ça nourrit des fleuves, des rivières. Puis, dans ce coin-là, en Afrique, ils en ont besoin de l'eau. Puis ça, c'est une des plus belles sources d'eau probablement qu'il y a en Afrique. Mais quand il n'y aura plus de glace en haut, il n'y aura plus d'eau non plus. Là, ça va être fini. C'est ça. C'est ça, là, c'est sûr que Kilimanjaro, oui, ça n'existe plus, mais il faut voir tous les effets négatifs aussi que ça a. Comme justement, c'est une source d'eau pour beaucoup de monde. Puis, c'est pas le fait que, la forêt amazonienne, il n'y en aura plus. Oui, mais c'est parce que c'est quelque chose qui crée beaucoup d'oxygène, donc ça l'aide. Faut voir aussi. Moi, je dis ça de même, là, mais c'est parce que plein air, si vous voulez aller faire l'ascension, pas sûr, moi, vous allez pouvoir. C'est plus dans ce côté-là que je voulais que le monde voit ça, que c'est plate que les choses disparaissent, mais il faut voir aussi les effets secondaires de ça. Mmh. Ça, les gens ne savent pas nécessairement, il faut leur dire, puis là, ben, ils le savent. C'est ça. Ouais. Fait que moi, je dis, d'ici 2020-2030, il y a plusieurs causes qui vont devoir choisir un nouvel objectif que le haut du Kilimanjaro, parce que ça se fera en pas grand temps. Mmh. Voilà. Et ouais. Après ça, la mer morte au Proche-Orient. Je trouve ça triste. Il me semble que ça a l'air beau, la mer morte, en plus. C'est une destination touristique qui est vraiment adorée. Ça pourrait devenir vraiment une mort d'ici 2050 à cause de l'activité humaine assez grandissante dans cet espace d'eau-là. Puis à cause d'un conflit régional entre les deux pays qui habitent chaque côté, qui s'occupent plus des mesures de prévention de cette mer-là. L'étendue d'eau salée abaisse de plus d'un mètre par an. On peut même voir la différence. Dans la revue, justement, on peut le voir. Il y a une large bande de terre craquée qui divise complètement le bassin en deux. Là. Donc, ça se voit à l'œil nu. Là. Le Kilimanjaro, on le voit peut-être pas que la glace descend, mais ça, c'est vraiment observable. Au cours des 50 dernières années, la mer Morte a perdu un tiers de sa superficie. C'est pourquoi elle pourrait vraiment disparaître d'ici 40 ans. Donc, elle est plus au Proche-Orient, ça vaut pas la peine. Vous allez vous tremper les pieds, puis c'est pas mal. Bon, c'est ça. On va faire une petite saucette. On va faire une petite saucette. Mmh. Après ça, les Everglades en Floride. Bon, ça nous tente peut-être pas d'aller visiter ça avec les beaux alligators et toute la belle faune et flore pas très agréable. Mais il y a une population qui est quand même grandissante aux alentours de... C'est quand même le troisième plus grand parc national américain. C'est un marécage de 10 000 km². Puis il pourrait complètement disparaître d'ici 2050. Encore une fois, c'est quand même assez proche. Il y a l'équilibre des eaux puis l'écosystème qui est menacé parce que au nord du parc, il y a un développement urbain qui empiète petit à petit puis ça l'assèche un peu le terrain. Puis au sud, il y a le niveau de la mer qui augmente de 20 cm à cause du réchauffement climatique. Donc, ça se pourrait que le territoire soit envahi par de l'eau salée du golfe du Mexique bientôt. Puis c'est pas de l'eau salée qu'il y a dans cette région-là. Donc, ça pourrait... travailler beaucoup sur l'écosystème du milieu. Puis enfin, le lac Baïkal en Sibérie, peut-être certains le connaissent comme le plus vieux et le plus profond lac du monde. Il est souvent appelé l'œil bleu de la Sibérie. Moi, il me semble que j'ai vu ça dans les films. Là. C'est vraiment profond, c'est beau. Ouais. C'est beau la Sibérie. Ça fait froid, mais c'est beau. C'est un lac qui reste gelé environ 2 mois par année. C'est vraiment le fun pour les pêcheurs sur glace. Mais depuis 1946, l'eau du lac, elle se tiendrait plus autour des 1 degré Celsius, donc elle ne gèle pas longtemps. D'ici 2100, les scientifiques prévoient que le lac va se solidifier juste deux semaines par an. Donc, le lac devrait s'évaporer plus qu'à la normale. Donc, il va finir par disparaître peu à peu. Ah, c'est triste, tout ça. Oui. C'est le plus vieux, puis il va mourir. Mm-hmm. Fait que conseil d'étudiante, Mathieu. Okay, oui. C'est pas un conseil de maman, là, mais profitez de chaque moment. Mais tu mets le mot « moment » dedans. Ah, tu m'as gagné. Écoute, c'était tout pensé, voyons. Ben oui. Fait que, donc, la morale de l'histoire, là. Je trouve ça un peu douteux, Mathieu. Si toi, t'entends profiter de chaque moment, sachant ce que t'as dit tantôt à propos de la mer de... Non. OK, on change de sujet, s'il vous plaît. Changeons de sujet. Ben oui. Donc, morale, j'allais dire. Oui. C'est... Soucions-nous de choses importantes comme le mont Kilimanjaro à la place de se soucier du fait que Dumont 360 s'évapore lui aussi. Dumont 360 parce qu'il est rendu une demi-heure lunaire, c'est une joke de TV parce que moi le plein air je connais pas ça. Oui, on parle pas dans la revue Espace, on parle pas de la date prévue de la fin de Dumont 360. 2011 max. Ah ouais. C'est ta prédiction. C'est ce que je dis. Ah, belle prédiction. Merci. Voilà. Merci. Donc, si vous voulez plus de détails, voir les photos sont dans la revue Espace. Du mois de mars. C'est des petits gars qui font du bicycle. La revue est bleue. C'est bien. C'est marqué en haut 21 astuces essentielles parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre leur logo sur le côté de la page. Donc, quand tu le vois de face, tu vois pas le logo. T'sais. Ouais. T'as-tu remarqué ça? Drôle de tactique. Pas très vendeur. C'est écrit sur le côté. Voilà. Fait que penchez votre tête et puis trouvez-la vers la gauche. Oui. Comme je suis penché pour te dire merci, Emily. Ben, ça fait plaisir. T'es fine, à la semaine prochaine. Bye. Kiwan. Oui. Musique, s'il te plaît. Oui, on va s'en aller en musique tout de suite. On va écouter le groupe Two Door Cinema Club. Vraiment Two Door, pas Two Doors. Two Door Cinema Club. Vraiment, le groupe s'appelle Two Door Cinema Club. On écoute la pièce Undercover Martin à Assemblage Requis. Bye, Emily. Bye. Personne comprend la référence plus qu'on crie parce que ça fait comme 15 minutes de ça. Je sais. C'est drôle. Mais maintenant que c'est drôle. Tu résumes Assemblage Requis, là. And she spoke words that would melt in your heart. your hands, and she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement people, in the basement. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not. Around qu'on trouvait folle. Elle a toujours resté un peu molle. La serveuse de chez Gaston, la danseuse caméléon, la coiffeuse sans façon, qui n'aime pas les garçons. Non! Toutes les filles s'en volent de moi. Une seule tout à la fois. Puis son ami encore mineur, la coqueluche des grands rockeurs, même si elle me fait un peu peur. La maîtresse du bistouri, la nouvelle Miss Californie, prisonnière de son mari, voudrait être mon amie, ouais. Toutes les filles s'envolent de moi, une seule tout à la fois. Toutes les filles sont folles de moi, de Patrick et les Brutes. C'est un extrait du palmarès francophone. Juste avant ça, on avait le groupe Zeus, qui eux sont sur le palmarès anglo de la station. C'était la pièce Fever of the Time. Et le bloc avait commencé avec le groupe Creaky Boards. Ah, oh, wow, hein? Que t'as beaucoup aimé. Ah, c'est tellement bon. Ça, c'est le genre de chanson, un peu comme des fois quand je fais jouer des pièces. Là, puis là, je te dis, c'est dans une émission de TV, j'ai cherché pendant 3 heures, j'ai acheté le CD parce que la tune était trop bonne puis elle était pas disponible ailleurs. C'est le genre de choses que j'aurais fait, ça, avec cette pièce-là, tellement je la trouve bonne. Ben là, tu n'auras pas besoin de la chercher pendant 3 heures parce que tu sais déjà que c'est le groupe Creaky Boards et c'était la pièce de Songs I Didn't Write. Vive C'est Fou, vive Key One, vive Assemblage Rocky. Et vive la vie. Ouais. Oh, j'irai pas jusque-là. Ambitionne pas trop. Hey, est-ce qu'on parle un peu de ce qui s'en vient prochainement à Trois-Rivières, dans nos vies, dans la vie en général? Bonne idée, parle-moi de toi, là. Je vais te parler. Non, je te parlerai pas de moi. Je vais plutôt te parler de Patin. Parce que t'as sûrement vu déjà ce poster. Vous l'avez sûrement tous vu, vous, chers auditeurs. Un poster, une affiche que j'ai vu un peu partout en ville ici. Il y a quand même une bonne couverture de publicité qui a été faite pour ça. Contrairement à leur corps, qui n'ont pas de couverture. Ouais, c'est ça. L'affiche attire l'attention. C'est quand même assez audacieux. Comme affiche, c'est comme 3 gars qui sont nus avec seulement un patin pour les cacher. Il y a 2 filles aussi qui ont l'air. Habillées. Ils sont habillés, oui, mais ils ont l'air mécontentes et indignées. Et tout ça, c'est pour annoncer un spectacle de patinage artistique. Je mets ici entre guillemets le mot artistique parce que c'est vraiment un spectacle alternatif. Et je peux même vous lire un peu le genre petit de papier, communiqué là. Qu'on a. Oui, donc c'est le groupe Patin Libre qui présente ce spectacle-là qui s'appelle « Ceci n'est pas un patin ». Le groupe le Patin Libre s'est formé d'un groupe d'ex-patineurs de fantasy d'élite amer, du premier breakdancer sur glace au monde, du premier sauteur de baril au monde et d'une acrobate aérienne russe. Donc, wow. Déjà, on est quand même en dehors des sentiers battus un peu du classique du petit couple qui fait du patinage artistique. On est déjà dans quelque chose d'un peu plus acrobatique, un petit peu plus différent. Donc, le Patin Libre cherche à faire sauter les stéréotypes des spectacles on ice. Donc, justement, c'est vraiment leur but de faire quelque chose de différent. Et donc voilà, le groupe est fraîchement de retour d'une tournée en Europe où ils ont été vraiment acclamés par le public là-bas, beaucoup de succès. Et non, même on dit ici que le public qui les aime présentement, c'est pas nécessairement le public qui est leur public cible, le public qui voudrait qu'ils les aiment, parce que on dit que les baby boomers banlieusards ont beaucoup aimé en Europe leurs prestations. C'est pas vraiment le public qui voudrait attirer. Mais quand même, continue à faire leur spectacle en espérant choquer, pas choquer, je sais provoquer. Pas si ils veulent vraiment choquer, mais ils veulent vraiment attirer un nouveau public et puis faire des choses de façon différente pour ce qui est des spectacles sur glace. Donc je pense qu'on est quand même assez loin de Disney on Ice ici, si je me fie à l'affiche, qui est quand même audacieuse. Oui, avec c'est trash. Les petits garçons tout nus. Moi, je suis pas un fan de patinage artistique, ça m'a jamais vraiment intéressé, même vraiment jamais, là, vraiment, là. Mais tu vois, ça, je trouve que l'affiche est tellement bizarre, tellement trash que j'aurais le goût d'y aller. Tout à fait. Ça a lieu vendredi le 12 mars qui s'en vient. C'est au centre Alphonse Desjardins, au Cap-la-Madeleine. Donc, si je me souviens pas, c'est dans le coin des Estacades, ça. L'école des Estacades, je crois. Bref, centre Alphonse Desjardins, au Cap-la-Madeleine. Vendredi. Et c'est Petit Fait d'hiver, ils nous ont envoyé leur document de presse, leur petite feuille dans un patin. Dans un patin. Avec l'adresse patinlibre.com sur le côté. Donc c'est très très chouette de leur part, on les remercie. Je pensais que c'était ton patin par contre. Non, j'ai pas les petits pieds comme ça moi. Non, ça c'est un patin de fille, de fillette même je dirais. Donc je me disais c'est peut-être Mathieu. Tu connais ça. C'est peut-être Mathieu qui a amené son patin. Bah t'es fin, t'es fin. C'est pas parce que j'avais une voix un petit peu féminine avant de muer là, que tu dois dire que j'ai des patins de filles. Justement, parlant de voix féminine qui a mué, demain... Quoi? Je dis pour la collectivité ici de la communauté, à quoi? Demain, Mathieu, c'est la 100e émission d'Assemblage requis. Arrête-moi ça, pas déjà. Donc, on va faire une petite émission spéciale, je pense. Là, ça devrait pas être rien de si flamboyant, mais on va quand même se rappeler un peu les meilleurs moments de ces 100 émissions-là. Il y en a-tu eu des moments tellement en eu. 100 jours? On fera pas la compilation des pires moments, par contre, parce que là, on manquerait vraiment de temps dans l'émission. Ouais, c'est ça, parce qu'on est suivi par ton émission à un moment donné, fait qu'il faut que tu puisses l'avoir aussi. Là. Exactement, donc on va vraiment faire le retour sur toutes nos années carrière, d'existence. Ouais, c'est ça. Depuis vraiment nos débuts en 1972 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va vraiment couvrir toute la période. Les gens ne savent pas, mais... Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps quand même qu'on est ici assez fou avec l'émission Assemblage Rocky. Là. Nos débuts étaient tellement t'as dit que ce serait pas rocambolesque, que je vais utiliser un autre mot. Ni flamboyant. J'irais bon. C'était pas très bon. Ben, c'est ce qu'on va voir demain. Demain, on va se rappeler tout ça, ces bons moments-là, de nos 38 dernières années. C'est ça. Tu calcules vite dans ta tête, toi. Ouais, c'est 38, c'est bon. Okay. J'allais dire ça demain. Donc, c'est demain, à partir de 15h. Soyez-y, ici même, sur les ondes de C'est fou. Bon. On va retourner en musique déjà. On n'ira pas en musique. On a d'autres choses à se dire. Ouais, t'as d'autres choses à me dire. Ouais, c'est ça. Tant qu'à en parler tantôt. Là, ok, et, dans les avis publics. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tant qu'à dire qu'on a des choses importantes comme des patins et l'émission spéciale. Il y a aussi l'Assemblée générale de C'est fou qui a lieu le 17 mars. On m'en parlait pas mal depuis de partir de là hein, nous autres. Jusqu'au 17 mars. Ça va être à 11h30. C'est évidemment suite aux événements de nature exceptionnels que vous avez peut-être vu couverts dans le Zone Campus très récemment. C'était aussi dans moi, j'ai entendu dire Nouvellisme. Je connais pas trop les journaux. Nouvellisme. Apparemment. Donc, c'est ça ce qui a entraîné au congédiement du directeur général de C'est fou Zone Campus. Donc, une assemblée générale qui va avoir lieu afin d'adopter des mesures financières pour assurer que la station C'est fou hein, et le journal Zone Campus puissent continuer dans leurs opérations jusqu'à l'été. Si vous voulez plus de détails, c'est à geqtr.ca/AG. Donc bref, si vous êtes un étudiant qui nous écoutez présentement, si vous nous écoutez, c'est parce que vous avez probablement un intérêt pour la station ici, pour l'émission, pour votre radio à vous. Pour Keywon même. Ben, vous avez peut-être un intérêt pour moi, qui sait. Mais bref, si vous avez de l'intérêt pour votre station, ben, c'est important d'être là mercredi prochain, le 17 mars. Et voilà, c'est pour montrer que vous tenez à la radio, que vous tenez à ce qu'elle continue et que c'est quelque chose qui vaut la peine d'exister, qu'il faut qu'elle continue. Bon, on dira jamais assez, il faut que ça continue, cette radio-là, parce que sinon, il n'y a aucun média qui diffuse la musique qu'on diffuse et qui dit les choses qu'on dit. C'est très, très, très, très, très important. En plus, on va vraiment s'ennuyer si on peut pas passer 2 heures par jour ici à dire des niaiseries. Et voilà. Donc voilà, le message est passé, je crois. Mais on continue à vous le dire jusqu'à mercredi prochain. Ah, vous n'êtes pas sur le bord d'avoir entendu tout ça assez de fois. Donc, on va retourner en musique tout de suite avec une pièce de Beach House, la pièce Silver Soul. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Une émission qui fait des belles phrases. Des fois. Rarement. Set the Whale et Camilo, The Magician, assemblage requis. Et c'est ce qui met fin à l'émission pour aujourd'hui. Oh no! C'est triste quand ça arrive, mais on va être de retour demain, donc bonne nouvelle. Demain à 13h, à 15h, on va être là, mais toi, tu vas être là à 13h pour les palmarès anglo demain. Exactement, et puis à 15h, ça va être notre grosse émission spéciale, 100e anniversaire. Manquez pas ça, ça va être une belle émission. Demain, il va y avoir, comme d'habitude, même si c'est une émission spéciale, on va quand même avoir gardé nos bonnes vieilles habitudes. Et Simon Fidibé va être là demain pour que ça connecte Paul is Dead. Donc Simon est une de nos habitudes. C'est une de nos bonnes vieilles habitudes. Ah, il est bon et il est vieux. Mais pas lui, sa présence. Là. Ah, d'accord. Restez sur les ondes de C'est fou ce soir, il va y avoir... En fait, il n'y a pas de Chérie Mécoutu aujourd'hui à 17h, donc ça va être la sécheuse. Ensuite, à 19h, il n'y a pas de rock révélé non plus. Hein? Le monde se sont passé la note pour ne pas faire d'émission. Par contre, à 20h, heure spéciale, il va y avoir réanimation qui normalement commence à 21h. Il va commencer à 20h aujourd'hui. Demain matin, soyez là pour Simon Fidibé à partir de 7h pour son émission. On s'appelle et on déjeune. Et aussi, moi, je vous suggère ce soir, étant donné que c'est le 2-3e mardi. On est mardi. C'est soirée kino à l'appart ce soir. C'est vrai, soyez-y. Sinon, allez retrouver la balado-diffusion et les liens de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Bonne soirée. On se laisse avec la pièce d'ivresse de Vanessa Parieter. Bye bye. Bye, Kiwan. Bye. Bye. Ouais, c'est pas beau ça.